pensée est une. La pensée est simple. La pensée est rassurante. La pensée n'est pas déviante. La pensée ne remet pas en cause. Elle n'a pas de repentir. Tous les gens qui ont eu un jour affaire à la police ont eu des troubles du comportement. Il faut relever dès la maternelle. Les enfants ont des troubles du comportement pour les empêcher de devenir des assassins. Tous les enfants ont des troubles du comportement ont un jour affaire à la police. Il faut repérer les enfants issus des familles déviantes dès la maternelle. Il faut repérer les enfants déviants. Nous sommes les hommes. C'est la clé du problème. Il faut débarrasser la France de tous les délinquants sexuels. Nous vivons dehors. La délinquance sexuelle est génétique, tout comme l'homosexualité. Au désordre, jeunesse oblige. Nous sommes affilés. Nous sommes encore. Il faut débarrasser la France de tous les délinquants sexuels. Indifférents aux mérites. Nous retirons les déviances sexuelles. Nous mitraillons leurs mots vides. Les déviances sexuelles sont génériques. Bafouons leur faurite. Bavons dans l'eau bénite. Il faut liquider la racaille au karcher. Allons bravons l'interdit. Soyons sodomites. Il faut repérer les familles de racailles. Comme des vauriens. Il faut repérer les familles de vilains. Indifférents aux mérites. Il faut repérer les familles. Faisons mine de rien. Débarrasser la France. Faisons le nécessaire. Devenons minoritaires. Enfin, je m'en ai trouble fait. Qui ont des problèmes avec la police sont issus des familles qui ne s'intéressent pas. Faisons sécession. Qui ont eu un jour affaire à la police. Comme des vauriens. Contrôler les familles d'origine. Des sauvageons. Populer les enfants. Personne ne meurt. Chacun se repose. Où sont les choses? Où sont les choses? Personne.